Welcome everyone to French Pod. Today we've got an intermediate lesson called Sandwiches à la carte. Oh, I'm getting hungry. Just thinking about it. My name is JP. Je m'appelle Amaury. Bonjour mon cher JP. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va être une leçon difficile aujourd'hui. Exactly, because it's right before lunch when we're recording this. Exactement. And we're talking about delicious sandwiches. Oui, tous les ingrédients. On va parler de nourriture. Yeah, if this lesson doesn't get you going, I don't know what's going to help you. Alors, en particulier, ici, on va parler, comme tu l'as dit, de sandwich à la carte. À la carte. OK. So, how do you say that in French, Emily? C'est la même chose. À la carte. Oh, I thought you were speaking English. Non. À la carte. À la carte. Oui, okay. À la carte. And it just means it's not in a combo. Si c'est dans un restaurant, on choisit un plat d'entrée, on choisit un plat pour le menu principal, ou ici dans le cas des sandwichs, right. Ça veut dire qu'on choisit les ingrédients qui vont constituer le sandwich. OK, so they're made to order. Voilà. Excellent. All right. Et donc, c'est notre mot-clé, notre phrase-clé, à la carte. OK. Donc, on va essayer de le retrouver dans le dialogue qui suit, qu'on écoute tout de suite. Il est quelle heure? J'ai marre de faim, pas toi? Si, viens, on va aller à la boulangerie. Ils font des super sandwichs. Ils font des sandwichs à la carte? Ouais, tu peux choisir tous les ingrédients que tu veux. Salade, fromage, œufs, thon, jambon, poulet, mayo, tomate, maïs, avocat, oignon. Et des sandwichs chauds? Oui, ils font des panini délicieux, comme le provençal avec du fromage de chèvre et du basilic, ou encore le montagnard avec du reblochon et du jambon de pays. Et des croque-monsieur? Oui, aussi, ils font tout. Et tous les ingrédients sont frais et sains. Tu peux même choisir ton pain. Tout est fait sur place. Ça cartonne! On y va? Ouais, je crois que je vais me faire un McDo en fait. Quoi? Alors, nous revoilà. Je ne suis pas content. Non? Non, non, non, non, non. La fin de ce dialogue est horrible. Oh, well, it happens all the time, Amaury. Comment peut-on aller à un McDonald's après avoir écouté la description de ces bons sandwichs? C'est révoltant pour un Français comme moi. Yeah, but it happens in France. You know it. Eh oui, c'est you la know vérité. It happens. C'est la totale vérité. Les gens vont chez McDonald's également. Yeah, yeah, let's talk about that after the analysis. Alors, la fille commence et elle doit voir l'estomac qui gargouille. Yeah, it's kind of grumbling. Voilà, puisqu'elle dit, il est quelle heure? Je meurs de faim. Je meurs de faim. Okay, she's so hungry, she's dying, right? Oui. That's the verb mourir. Je meurs de faim. Alors, une expression qu'on emploie vraiment tout le temps en français. Mm-hmm. Vraiment, dès qu'on a la salive en bouche. Oh no. Dit, je meurs de faim. Et elle demande à son ami, donc, pas toi. Évidemment, c'est un bon ami puisque lui, il meurt de faim aussi. Ok. Il a même une idée, il a une proposition. Il dit, viens, on va aller à la boulangerie. Ils font des super sandwichs. Des super sandwichs, not just a regular sandwich. Non. Super sandwich. Donc, ils disent super, ça veut dire très bon. Mm-hmm. Et on emploie l'adjectif super comme ça en français énormément. Really? Ouais. Hier, j'ai vu un super film à la télé. Oh, super film, I saw a great film on TV. Ouais. Mm-hmm. JP, t'es un super co-host. Oh, Amaury, you also are a super co-host. Merci, JP. Nous sommes de super co-hosts. That's right. Et donc, ça doit être très bon. Mm-hmm. Et elle demande s'ils font des sandwichs à la carte. Okay, there's our keyword, à la carte. Oui. So à la carte would be referring to kind of like a deli style, where you choose the meat, you choose the cheese. C'est bien ça, oui. Mm-hmm. Moi, j'ai un peu de difficulté quand c'est à la carte. Really? Ben oui, parce que j'ai toujours envie de prendre tout. Je dis ça. C'est plus facile quand c'est... ils sont déjà tout faits, peut-être. Yeah. But they're not as good. C'est vrai. Okay. Donc, ils font bien des sandwichs à la carte. Mm-hmm. Et donc, il lui dit, tu peux choisir tous les ingrédients que tu veux. OK. For example? On a la liste. Mm-hmm. Salade. OK, so this would be lettuce. Fromage. Cheese. Œufs. Œufs, that's eggs, right? Oui. Can you tell me again how to say that? Alors, si c'est singulier, c'est un œuf. Un œuf? Oui, on prononce le S à la fin. OK. Si c'est pluriel... Des œufs. Des œufs. OK. So you can get eggs on your sandwich. Oui. Des œufs. Thon. OK, that would be tuna. Jambon. Ham. Poulet. Chicken. Mayo. Mayo would be mayonnaise. Oui. OK. Tomate. Tomatoes. Maïs. Corn on your sandwich. Ah oui, parfois, non? Ok. Avocat. Oh, avocados. Et oignons. Onions, obviously. Voilà. Il y a peut-être encore plus, mais bon, s'arrêter là. Okay. C'est déjà pas mal. Mm-hmm. Elle est quand même un peu difficile. Elle a pas mal de questions à poser. Et donc, elle demande s'ils font des sandwichs chauds. Ok, chaud, that would be a hot sandwich. Oui. You might say a grilled sandwich in English. Ok. Et donc, des sandwichs chauds, ça peut être des croque-monsieur, on va en reparler. Ok. Ou des panini. Panini, now that's definitely an Italian word. Oui. Do you say that in French? Oui. On trouve des panini okay. dans les sandwicheries. Mm-hmm. Sandwicherie, I didn't know that word. Ah si, on dit une sandwicherie, oui. Ok, so sandwich shop, and the panini is the pressed Italian sandwich, right? C'est bien ça. Press. Yeah. Oui. Et donc, il dit qu'ils font des panini délicieux, mm-hmm. comme, alors il va en citer deux, okay. comme le Provençal. Ok, so this is a southern style, right? In the style of Provence. Oui, donc qui est la région sud-est de la France, près de Marseille. Mm-hmm. Le Provençal est un sandwich avec du fromage de chèvre. Ok, yeah, that's goat cheese. Oui, et du basilic. Goat cheese and basil, that sounds delicious. Oui, et très sain aussi. Mm-hmm. Ou encore le Montagnard. Montagnard, to me that sounds very rustic. Et c'est un peu rustique puisque ça vient de la montagne. Mm-hmm. Donc il y a du reblochon. Oh, that's my favorite cheese, le reblochon. Oui? Mm-hmm. Absolutely, yeah. That's a raw cow's milk cheese, right? Oui, c'est fait à base de lait de vache. Ok. Et c'est un fromage qui vient de Savoie. Mm. Et donc dans le montagnard, il n'y a pas seulement du reblochon, il y a aussi du jambon de pays. Ok. Jambon de pays, this is the cured ham, right? Oui. So in the style of like prosciutto or jamón serrano like you get in Spain. C'est bien ça, oui. And it's delicious. Oui. Et donc, elle dit aussi des sandwichs chauds, donc des panini. Mais en France, on a aussi un type de sandwich chaud bien spécial mm-hmm. qui s'appelle le croque-monsieur. The croque-monsieur, OK. That... Non, non, non, pas monsieur, monsieur. Le croque-monsieur. Oui. OK, that's delicious. And that's especially French, right? Je crois, oui. Mm-hmm. Oui. Are you going to tell us what's in that now or later? Non, je vais garder ça pour plus tard. OK, OK. Et donc, ils font tout. Mm-hmm. Ils font les panini, ils font les croque-monsieur, tous les sandwichs à la carte, mm-hmm. avec tous les ingrédients possibles qui sont frais et sains. Ok, so they're fresh and they're healthy. Oui. Mm-hmm. Il dit à son ami, à cette fille, tu peux même choisir ton pain. Wow, you can even pick your bread. Oui. And as we know, French people are obsessed with bread. There's many kinds of bread in the boulangerie. Tout à fait. Il y a les pains aux noix, pains aux céréales, mm-hmm. Pain blanc, pain gris. Ah non, il y en a beaucoup, ouais. Et donc, comme c'est dans une boulangerie, comme tu viens de le dire, tout est fait sur place. Sur place would mean it's made right on location. Exactement. Ok. Ouais. Donc pour lui, ça cartonne. Ça cartonne. This is a great expression. Ça cartonne. Oui. Donc ça veut dire que c'est vraiment extraordinaire. Ok, it's really cool. Exactement. C'est vraiment bien, quoi. Ok. Donc si par exemple vous êtes allé dans un nouveau restaurant, voilà, un nouveau restaurant vient d'ouvrir et vous y êtes allé manger, mm-hmm. vous rencontrez des amis, ils disent alors c'était comment ? Ils disent franchement c'était excellent, ça cartonne. Ok, it's a big hit. Voilà, oui. Mm-hmm. Et évidemment, après avoir décrit tout ça, il lui dit bon ben. On y va. Yeah, let's go. Let's go. However, she has another idea in mind. Ouais. Mouais. Mouais. What is that? That's like in English we say meh. Meh. Voilà. How do you say it in French again? Mouais. Mouais. Mouais. Ouais, pas sûr. Mm. OK. Oui, mais non. Yeah. Je crois que je vais me faire un McDo, en fait. Oh, no. Okay, there's a couple things to look at here. So first of all, un McDo. Alors, un McDo, ça n'a pas de secret, c'est pour McDonald's. McDonald's. So there's McDonald's in France. Et il y en a beaucoup, même. Yeah? And oui. French people love it. But we'll talk about that afterwards. And then I want to talk about also the verb. This is se faire, right? Oui. Je vais me faire un McDo. She's saying like, I think I'm going to go for some McDonald's. C'est bien ça, oui. Right? Et puis, qu'est-ce que tu vas te faire ce midi? Well, you know, Amaury, we're going to go across the street like every day. Ouais. C'est ce qu'on se fait tous les jours. Yeah, yeah. Alors, et là, bon, je ne sais pas si c'est sa petite amie, mm-hmm. si c'était ma petite amie, yeah. c'est fini. Right. On exagère. It's over, baby. Et là, il fait quoi? What? Ah là là. Bon, allez, on réécoute toutes ces descriptions de sandwich et on en reparle après ensemble. Il est quelle heure? J'ai meurs de faim, pas toi? Si, viens, on va aller à la boulangerie. Ils font des super sandwichs. Ils font des sandwichs à la carte? Ouais, tu peux choisir tous les ingrédients que tu veux. Salade, fromage, œufs, thon, jambon, poulet, mayo, tomate, maïs, avocat, oignon. Et des sandwichs chauds? Oui, ils font des paninis délicieux, comme le provençal avec du fromage de chèvre et du basilic, ou encore le montagnard avec du reblochon et du jambon de pays. Et des croque-monsieur? Oui, aussi! Ils font tout! Et tous les ingrédients sont frais et sains. Tu peux même choisir ton pain. Tout est fait sur place. Ça cartonne! On y va? Ouais. Je crois que je vais me faire un McDo en fait. Quoi? Alors, et puis on a parlé à un moment de croque-monsieur. Mm-hmm. C'est du pain grillé. Ok. Avec du fromage et du jambon à l'intérieur. Ok. Et souvent, il y a même un peu de fromage au-dessus, sur le pain. That's delicious too. Is it usually gruyère? Du gruyère, oui, ou de l'emmental aussi. Oh, ok. So those Swiss cheeses that melt very well. Oui, exactement. Mm-hmm. Et alors aussi, attention, il y a le croque-madame. Ok. Croque-madame, this is a kind of croque-monsieur, right? Oui, en fait, c'est la même chose. C'est un croque-monsieur mm-hmm. sur lequel est rajouté un œuf sur le plat. Ok. That's a sunny side up egg. Voilà. A fried egg on voilà. top of it. Mm-hmm. Even more delicious. Ah oui, je crois. All right, now we have to talk about McDo. We promised people that we'd talk about that, Amaury. Oui, le McDo, ça marche très bien en France. Hein. It does. But you know, whenever you talk to French people, they're like, oh, c'est affreux. Oui, on ne devrait pas avoir de McDo en France. Et puis, quand vous allez en France, mais vous vous rendez compte qu'il y a plein de gens dans les McDo. Yeah, it's, and they're always having fun. I think Americans, I'm speaking for myself now, whenever I go to McDonald's, it's kind of like a last resort, you know, and the people in there are kind of like, yeah, we're eating McDonald's. But when I've gone to in McDonald's in France, you know, sometimes it's just to make change or to use the bathroom. Everybody's having a party. It's just like the commercials. C'est un peu une alternative. Tu vois quelque chose qui change. Mm-hmm. Et je me souviens, tu as tout à fait raison parce que quand je suis allé aux États-Unis, le McDonald's n'avait pas une très bonne image. C'est là, on va au McDonald's parce que... Yeah, there's no time to do anything else. Oui. Yeah. Last resort. Et je crois que c'est quelque chose de français. Du moment qu'il n'y a pas que McDonald's à disposition, ça va. Yeah. C'est toujours la crainte qu'on a en France. Tu vois, c'est qu'on perde un peu la culture yeah. et que finalement, il n'y a plus que McDonald's. Mais well, si... I don't think that'll ever happen with sandwich à la carte. C'est vrai. Par contre, c'est bien d'avoir un mélange, c'est bien d'avoir de tout. Sure, sure. Voilà. Donc maintenant, vous êtes prêts pour aller commander tout type de sandwich en France, que ce soit pour aller au McDonald's, aller vous faire un sandwich à la carte, un croque-monsieur ou un panini. Mm. Nous, maintenant, il est temps de vous dire au revoir parce que JP et moi, on va aller se faire... We're going to get some Chinese food, I think. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai que c'est très bon aussi. OK. Voilà. Maintenant, si vous avez un sandwich préféré, n'hésitez pas à nous dire quelles sont vos préférences. On sera un plaisir de partager ça tous ensemble. Absolutely. Sur ce, à bientôt. À la prochaine. Salut. Bon appétit.